Le vestibule. Bienvenue dans le vestibule en ce samedi 20 janvier 2007 pour cette 496e émission Le Vestibule. Jean-François qui vous y accueille avec joie et enthousiasme comme à l'habitude. Et ce qui amorçait la séquence, ou plutôt l'émission, ce qui amorçait votre intrusion dans le vestibule, c'était le projet britannique Two Bit Pie, qui est en fait le projet de Mike Bryant et John Fogler, que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de Fluke. Donc, Two Bit Pie est en fait un projet parallèle des membres de Fluke, qui sont accompagnés par Andy Gray, qui est producteur et réalisateur. Entre autres, il a travaillé avec Korn et également Paul Oakenfold. Et ce que l'on entendait, eh bien, c'est tiré de leur premier album complet. L'album, lui, a pour titre Two Pie Island et il fait son entrée cette semaine en deuxième position au palmarès de musique électronique. Et la pièce que l'on entendait prenait le titre de Soto Mundo. Et sur cette pièce, eh bien, on peut entendre l'exquise voix de Mademoiselle Dilshani Veerasinghe. Et sur l'album Two Pie Island, eh bien, les membres de Fluke et Andy Gray sont accompagnés par une panoplie de musiciens et de chanteurs-chanteuses. Alors, je ne vous les nommerai pas tous et toutes, car ça serait peut-être un peu long. Mais quand même, sachez que ce projet a collaboré avec plusieurs musiciens. Donc, ça donne un résultat fort intéressant, comme vous avez pu l'entendre. Et au cours des prochaines semaines, j'aurai le plaisir de vous offrir d'autres pièces de cet album de Two Bit Pie, puisqu'il occupe le palmarès de musique électronique. Jean-François Fecteau, donc, qui vous accompagnera jusqu'à 23 heures dans le vestibule. Et pour poursuivre en musique, nous allons entendre la collaboration entre deux projets israéliens, en fait même trois projets israéliens, puisque l'on va entendre Psycraft et Beat Hackers, qui nous présentent leur composition Night Drive. Et la pièce a été remixée par Future Prophecy. Donc, trois projets israéliens qui se sont, qui ont collaboré. J'allais dire autre chose, mais je vais quand même me retenir. On est quand même à la radio sur des ondes publiques. Alors, ils ont collaboré ensemble pour créer cette pièce Night Drive, donc Psycraft avec Beat Hackers, la pièce Night Drive remixée par Future Prophecy dans le vestibule. We'll be right back. Thank you. La séquence musicale se terminait dans le vestibule avec la formation allemande Eisbrecher et la pièce Kinder der Nacht. Et ça se retrouve sur leur plus récent album qui lui porte le titre de Antikörper et c'est paru sur étiquette Dancing Ferret Disc ici en Amérique du Nord. Et si vous aimez le genre que l'on qualifie de crossover, c'est-à-dire un mélange de métal et d'industriel, quoique industriel veut bien dire ce qu'il veut dire, eh bien, Eisbrecher, eh bien, ne réinvente absolument rien en ce qui est trait au genre crossover, mais c'est très efficace, donc des mélodies bien ficelées, très accrocheuses et une puissance dans le rendu de la guitare et de l'électronique assez justement efficace. Donc Eisbrecher, si ça vous intéresse. Précédemment à cette formation allemande, c'était un artiste grec du nom de Dimitri Batistatos et il nous présentait ici la pièce-titre de son album Architect. Et étonnamment, la pièce-titre de l'album ne représente pas du tout l'album, puisque l'album de Monsieur Batistatos est plutôt down-tempo, chill-out, tandis que sur cette pièce, eh bien, une petite touche d'agressivité avec une guitare très présente. Donc, c'est quand même intéressant. Un peu de variété n'a jamais tué personne, du moins ceux qui ne sont pas là pour en parler, eh bien, sont morts, donc, enfin. Alors, l'album de Batistatos, Architect, fait son entrée cette semaine en 10e position au palmarès de musique électronique. Et pour débuter la séquence, c'était la collaboration entre Psycraft et Beat Hackers qui nous présentait la pièce Night Drive qui a été remixée par Future Prophecy. Ces trois projets sont israéliens et la pièce, on peut la retrouver sur la compilation Advanced Options 2 qui a été justement compilée par Future Prophecy lui-même. Alors, Jean-François Fecteau qui vous revient tout de suite, enfin, c'est plutôt après la pause que voici, nous allons entendre Éloi Brunel qui nous présentera une pièce de son tout dernier album, son plus récent album. Son album, lui, a pour titre tout simplement 5 et nous allons entendre de cet album la pièce Bernard. Donc, tout de suite après la pause publicitaire que voici, Éloi Brunel dans le vestibule. UQTR en spectacle est de retour cette année pour une troisième édition. T'es étudiant en UQTR et t'as le goût de t'investir dans un événement qui fait la promotion des arts de la scène et de la langue française? UQTR en spectacle, c'est pour toi! Dépêche-toi et envoie ta candidature avant le 2 février 2007. Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site internet au www.uqtr.ca/en-spectacle. C'est ta chance de faire partie du spectacle! Séquence électro, tous les jeudis de 23h à minuit sur les ondes de CFOU 89.1. Le rendez-vous des mordus de musique électro. À tous les passagers, alternativeauto.ca, service de covoiturage. Planifiez vos départs en ligne, réduisez vos frais de déplacement, profitez de notre service illimité en tout temps. Alternative Auto, la meilleure façon de voyager au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant, alternativeauto.ca. Tous les mercredis, dans le cadre de votre émission Du Retour dans le trafic, ne manquez pas la chronique La Barrique en compagnie de Louis Rousseau et Xavier Beaupré. Pour en apprendre davantage sur le monde de la bière, des microbrasseries québécoises aux bières importées, sans oublier les produits du terroir et votre promo étudiante de la semaine, écoutez la chronique La Barrique, tous les mercredis 16h30. Prenez part à la culture de demain, dès aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. emotions, associations, perceptions, attention or intentions. What does the word love even mean? Notice what occurs when I say, what a wearer. Thank you.

Ce que l'on vient d'entendre dans le vestibule est en fait un extrait du radio mix qu'a concocté Luke Slater pour The Fabric, boîte londonienne fort célèbre. Donc, c'est le Fabric 32. Et ce que l'on entendait donc pour ce court extrait du radio mix de Luke Slater, eh bien, pour terminer, c'était Express 2 featuring Rob Harvey. Et la pièce Kill 100, remixée par Carl Craig. Et tout juste avant, c'était Marcel Detman et la pièce Quicksand qui amorçait ce court extrait du radio mix qu'a concocté Luke Slater pour The Fabric London. Et monsieur Luke Slater a créé lui-même, fondé lui-même sa propre étiquette de disque qui a pour nom Moat Evolver. Donc, c'est à suivre. Tout juste avant ce radio mix, cet extrait, devrais-je dire, du radio mix de Luke Slater, eh bien, c'était la formation new-yorkaise Mindless Self-Indulgence et la pièce Shut Me Up 1200 XL Remix, exécutée par VNV Nation. Et cette version de la pièce Shut Me Up de Mindless Self-Indulgence se retrouve sur leur mini-album tout simplement intitulé Shut Me Up. Et pour débuter, c'était l'artiste montréalais Éloi Brunel qui nous présentait la pièce Bernard, et ça se retrouve sur l'album 5. Et pourquoi 5? Eh bien, c'est que Éloi Brunel a travaillé au cours des 5 dernières années sur différentes pièces, et pour ce projet de cet album 5, eh bien, il a remis 50 pièces qu'il a concoctées au cours des 5 dernières années. Il a remis ses pièces, à François Lebaron, qui lui, eh bien, les a écoutées et en a choisi 14. Et pour cet album, donc, il les a mixées, il les a montées et il les a sélectionnées, comme je le mentionnais. Et donc, c'est en collaboration avec monsieur François Lebaron que Éloi Brunel a concocté cet album 5, et la pièce que l'on entendait s'intitulait Bernard. Donc, Jean-François Fecteau avec vous dans le vestibule jusqu'à 23h. Avant de poursuivre en musique, j'aimerais vous mentionner que le dimanche 28 janvier, eh bien, il y aura un événement dark ambiant électroacoustique à Montréal, à l'église du Jésus, au centre de créativité, l'espace Aline Letendre, pour être plus précis. C'est situé sur la rue Bleury, au 1200 Bleury, pour être plus exact. Et, ce 28 janvier, donc, se produiront sur la scène de l'église du Jésus, The Oblivion Ensemble, formation américaine, et également le projet montréalais Samarcande. Donc, si ça vous intéresse, ça se passe le 28 janvier prochain, au 1200 rue Bleury, à l'église du Jésus. Vous pouvez profiter de la prévente des billets qui sont au coût de $15, et si vous vous procurez les billets en prévente, eh bien, vous aurez droit à un CD de matériel inédit qui sera remis le soir même du spectacle. Et pour en savoir davantage et pour vous procurer les billets, justement, rendez-vous sur le site internet de l'étiquette montréalaise Angle Records, tout simplement au www.angle, donc angle-rec.net, donc www.angle-rec.net. Vous aurez tous les détails concernant cet événement de dark ambiant électroacoustique le 28 janvier prochain à l'église du Jésus à Montréal, bien sûr. Donc, Jean-François Fecteau qui vous invite maintenant à entendre un projet français du nom de Mind Necrosis Factor qui nous interprète ici la pièce Song of Dunes dans le vestibule, bien sûr. Le comité organisateur du Carnaval étudiant 2007 de l'UQTR est à la recherche de bénévoles pour s'impliquer du 22 au 25 janvier prochain. Si vous avez quelques heures à consacrer, nous avons besoin de vous pour que cet événement soit une réussite. Pour vous impliquer, écrivez-nous vos disponibilités par courriel à l'adresse carnaval@uqtr.ca. Merci de votre implication. E3 2.0, le rendez-vous des découvreurs d'électro, le mercredi de 15h à 16h sur C'est fou. UQTR en spectacle est de retour cette année pour une troisième édition. T'es étudiant à l'UQTR et t'as le goût de t'investir dans un événement qui fait la promotion des arts de la scène et de la langue française? UQTR en spectacle, c'est pour toi. Dépêche-toi et envoie ta candidature avant le 2 février 2007. Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site internet au www.uqtr.ca/en-spectacle. C'est ta chance de faire partie du spectacle. La Connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Une présentation de Playbox, 3110 Boulevard des Forges. La Connexion, en direct les jeudis de midi à 13h et en rediffusion les mardis de midi à 13h. C'est l'heure du jeu. Attention, attention! Ce message est à l'attention des conducteurs. AlternativeAuto.ca, service de covoiturage. Aucun frais d'abonnement, aucun frais d'utilisation. Fixez votre tarif, profitez de notre service illimité en tout temps. Alternative Auto, la meilleure façon de voyager au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant, alternativeauto.ca. Écoutez le son de demain, dès aujourd'hui. C'est fou 89.1. Thank you. On entendait dans le vestibule la formation britannique In the Nursery avec la pièce Blueprint tirée de leur plus récent album Era qui occupe la troisième position au palmarès de musique électronique. Précédemment à In the Nursery, il s'agissait de l'artiste japonais Koji Asano qui nous présentait une de ses compositions interprétée par The Ensemble Deneb et la pièce s'intitulait Baroque Ensemble No. 3. C'est paru sur l'album Baroque Ensemble No. 1 to No. 5 et c'est paru sur étiquette Solstice. Et d'ailleurs, Koji Asano fait un peu figure de personnage atypique sur la scène musicale internationale, pour ne pas dire un doudingue de la composition. En effet, ce Japonais exilé un temps à Londres puis à Barcelone a depuis 1995 et du haut de ses 32 ans déjà sorti plus d'une quarantaine d'albums entre musique électronique expérimentale, minimalisme contemporain et musique concrète. Or, depuis le tournant du millénaire, il a commencé également à composer pour des ensembles classiques. C'est ainsi qu'après une série de suites pour violon et alto, quelques collaborations avec les ensembles Die Reine d'Autriche, Paragon d'Écosse, Smith de France et le Barcelona Winds Orchestra d'Espagne, il propose aujourd'hui 5 pièces pour ensemble baroque. C'est donc l'ensemble hollandais Deneb qui se voit confier la lourde tâche d'interpréter l'œuvre du Japonais. Eux qui sont habitués à jouer des pièces du 18e siècle, dis-je, traduisent avec technique et sensibilité ces compositions contemporaines réalisées dans un esprit baroque. Donc, je rappelle le titre de l'album, Baroque Ensemble No. 1 to No. 5, paru sur étiquette Solstice, Koji Asano. Et pour débuter, c'était un projet français du nom de Mind Necrosis Factor et la pièce s'intitulait Song of Dunes et ça se retrouve sur la double compilation Noxious Art Will Never Die qui a été mise sur pied grâce justement au festival français Noxious Art qui a lieu chaque année et qui, bien sûr, présente des artistes de la scène de la musique électronique. Et cette double compilation qui est parue sur l'étiquette Audio Trauma, Noxious Will Never Die, eh bien, occupe la 6e position au palmarès de musique électronique. Et le nom de la formation, donc Mind Necrosis Factor, eh bien, vient de la Tumor Necrosis Factor, qui est une molécule paradoxale du système immunitaire. En début de cancer, elle favorise la protection du corps en tuant les cellules cancéreuses. Mais dès que l'avancée de la maladie franchit un certain seuil, elle l'amplifie. Cette molécule n'a pas de notion de bien ou de mal. Pourtant, elle peut être les deux à la fois, suivant la circonstance. La versatilité de la morale du bien et du mal est l'un des aspects explorés par le projet Mind Necrosis Factor. Voilà pour cette séquence musicale dans le vestibule. Jean-François Fecteau qui vous rappelle que si vous désirez communiquer avec moi, vous pouvez m'écrire via mon adresse électronique levestibule@commercialcegocable.ca et je vous invite fortement à visiter le profil Le Vestibule sur MySpace au myspace.com/levestibule. Et sur ce profil, vous y découvrirez les anciennes émissions Le Vestibule que vous pourrez écouter en ligne. Également, vous aurez accès au palmarès de musique électronique et sur des informations concernant les artistes que je vous présente à chaque semaine. Et ce qui va suivre justement en musique, c'est une nouveauté de la formation française Celluloid qui nous présente un nouvel album qui porte le titre de Passion and Excitements. Et de cet album, nous allons entendre la chanson Translation of Love. Voici donc Celluloid dans le vestibule. On vient tout juste d'entendre Mad EP, la pièce Acid Jig dans le vestibule, et ça se retrouve sur l'album Not Afraid of Spiders, qui occupe la 5e position au palmarès de musique électronique. C'était précédé de Super Heroines, une formation qui a aidé à développer le death rock de la scène de Los Angeles au début des années 80, et au sein de laquelle il y avait Eva O et Jill Emery, et on entendait la chanson Levels of Rage, et ça se retrouve sur une anthologie qui est sortie tout récemment, Anthology 1982 to 1985, et sur cet album, enfin, on retrouve les deux premiers albums de la formation Super Heroines. Et on débutait avec la formation française Celluloid et la pièce Translation of Love tirée de leur album Passion and Excitements, qui fait son entrée en 9e position au palmarès de musique électronique cette semaine. On poursuit avec une pause publicitaire, et tout de suite après, ce sera le duo londonien Atomic Hooligan de poursuivre la continuité musicale. Bon, les boys, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Eh oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as à proposer? Ben, à ta minute, j'ai de la Mort de Rire, de la Rivière Rouge, de la Route des Indes, de l'Imperial Stout. Oh, veux-tu bien me dire c'est quoi ces sortes de bières-là? Ah, tu connais pas ça? Fait que t'es en train de me dire que tu connais pas encore la barrique. La quoi? La barrique. Le paradis de la bière à Trois-Rivières. Eux autres, là, ils ont le plus grand choix de bière à Mauricie. Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir. Bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 41-110, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. I want to take control. Maniaque de House, House Mania. Mercredi, 22h, à CFOU 89.1 FM. Take control. À tous les passagers, alternativeauto.ca, service de covoiturage. Planifiez vos départs en ligne, réduisez vos frais de déplacement, profitez de notre service illimité en tout temps. Alternative Auto, la meilleure façon de voyager au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant, alternativeauto.ca. Éric Masson et son Ben seront ici sur le campus de l'université dans le cadre du Carnaval étudiant le lundi 22 janvier dès 22h30 au 10-12. Ce chansonnier hors pair saura vous faire vibrer avec son grand répertoire. Mettez votre gilet du carnaval, votre chapeau de cow-boy et venez chanter. Bon carnaval à tous! C'est fou, 89.1, la seule radio musicale. Thank you. On vient tout juste d'entendre, pour clore la séquence musicale, l'artiste hollandais Camille et la pièce Waiting for the Sun tirée de son album Sunset. C'était précédé du projet britannique Jericho One et la composition s'intitulait Flashing Light de son album Exterminator Blues. Et on débutait avec le duo londonien Atomic Hooligan et la pièce Dreaming remixée par Blim, pièce qui se retrouve sur l'album You Are Here de Remixes, qui occupe la 7e position au palmarès de musique électronique. C'est presque tout en ce qui a trait à l'émission Le Vestibule de ce 20 janvier 2007 pour la 496e édition de l'émission Le Vestibule. On va se laisser sur un dernier segment musical qui sera composé dans l'ordre de la formation américaine Blind Divine et la chanson Far East. C'est tiré de l'album Music for Unmade Movies Volume 1 qui lui fait partie d'un coffret qui s'intitule « Mélancolia » et qui occupe la 4e position au palmarès de musique électronique. « Blind Divine » sera suivi de Natalie Walker et la pièce « Quicksand » remixée par Thievery Corporation. On retrouve cette version tout simplement sur le CD single « Quicksand » qui fait son entrée en 8e position cette semaine au palmarès de musique électronique. Et on terminera le tout avec « Belka and Strelka » et la pièce « Five » de leur excellent album « Tales from the Projector Room » qui occupe la toute première position au palmarès de musique électronique cette semaine. Alors Jean-François Fecteau qui vous remercie d'avoir été présent à l'intérieur du vestibule et qui vous rementionne que si jamais vous désirez communiquer avec moi, eh bien je vous invite tout simplement à visiter le profil Le Vestibule sur MySpace au myspace.com/levestibule. Alors je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine, samedi soir prochain, à compter de 21h pour une autre intrusion à l'intérieur du vestibule. D'ici là, eh bien portez-vous comme vous le pouvez et laissez-moi vous souhaiter comme à l'habitude, peu importe. Will I ever get there? Am I drowning? between the scenes of cold reality and those of pure illusion. 4, 3, 2, 1.